qu'est-ce que c'est le fonctionnement des libéralités? Donc ça fonctionne parce que... Alors ça ne fonctionne plus normalement. Enfin, ça n'existe plus. Comment ça fonctionnait? Les libéralités, alors un exemple... On arrive encore à faire un peu fonctionner comme ça, mais normalement, ça, voilà. Les libéralités, c'est typiquement un prix. C'est-à-dire, c'est Danone qui va dire, voilà, nous, on serait intéressés pour que quelqu'un montre que les super macrobiotiques qu'on met dans nos yaourts par tampon, quelqu'un montre que ça a un très bon effet sur l'intestin et que les femmes vont se sentir mieux passé un certain âge. Donc voilà, Danone dit, je vais donner 15 000 euros pour ça. Et donc, ben, en général, on postulait en disant, oui, soit on l'a déjà montré, donc ça, c'était la solution la plus simple, soit ben, on va s'acharner à montrer ça. Donc, au niveau orientation des recherches... Par tous les moyens, même si c'est bien difficile et qu'on a des résultats... Voilà, au moins, on va faire... un peu contraire. Voilà, c'est tout le problème. Hein, c'est quand on parlait de comment on oriente ses recherches, on va au moins dire... Alors, le mieux, c'est ce que je disais, c'est d'avoir montré qu'effectivement, c'était le cas. Comme ça, c'est facile et à la rigueur, on se dit, je suis resté indépendant, il s'avère que ça les arrange que j'ai montré ça, je l'ai déjà montré, c'est effectivement le cas. Et où c'était, ben, je vais essayer de le montrer en faisant ça, ça et ça. Et après... Si on obtenait les résultats inverses? La somme avait déjà été versée. Donc elle n'était pas retirée, mais ça pose vraiment le problème de ce qu'est travailler indépendamment, et c'est vrai que nous on signe de plus en plus des clauses de non-conflit d'intérêts, hein, parce que c'est un problème réel dans nos domaines. Enfin, moi qui bosse en nutrition, c'est un vrai problème. Hein. Des libéralités sous forme de bourses et de prix, en fait on en a aussi hein, en sciences humaines et sociales, hein, sauf que c'était peut-être moins systématique. Ouais. Et donc, il n'y a pas eu la même mobilisation contre le financement intégral de thèses sur libéralité, puisqu'ils ne cotisaient pas et donc ils se retrouvaient